À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, un rassemblement de solidarité, une conférence et une séance de film ont eu lieu respectivement en Tchèque, en Australie et au Nigérien, en présence des personnalités de partis politiques et formations et d'autres habitants. Les orateurs ont condamné les États-Unis qui, au lieu de tirer une leçon de leur défaite honteuse dans la dernière guerre de Corée, livrent les exercices de guerre nucléaire de nature provocatrice pour ainsi aggraver la situation de la péninsule coréenne.